Voici en 30 minutes des extraits de « On ne badine pas avec l'amour », pièce de théâtre d'Alfred de Musset, publiée en 1834. Choix des textes, résumé, enregistrement Jean-Paul Alexis, novembre 2018.